22-7, activation orale, repas. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? 1. Il est midi. Qu'est-ce que Mireille va faire? Vous dites? Elle va déjeuner. 2. Il est 8h du matin. Qu'est-ce que Mireille va faire? Elle va prendre son petit déjeuner. 3. Il est 8h du soir. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dîner. 4. Il est midi. Qu'est-ce que Mireille va faire? Elle va déjeuner. 5. Il est 8h du matin. Qu'est-ce que Mireille va prendre? Son petit déjeuner.